j'ai paumé, je ne suis qu'un chien errant. De rue en rue, je parcours les fourrières. Pour tuer l'ennui, je n'ai plus que la bière. Tout me tombe sur la tronche, je collectionne les emmerdes. Je ne suis qu'un chien errant. Je ne suis qu'un chien errant. Quand est-ce vraiment que tout a commencé? Peut-être le jour où ma gonzesse s'est tirée. Quand mes parents sont morts, quand Sarko est passé. Je ne suis qu'un chien errant. Finalement ça me plaît bien d'être qu'un chien héros.